La Croche-Oreille vous est présentée par Avatar, le centre d'artistes en art audio et électronique. Alors, salut tout le monde, bienvenue à la Croche-Oreille du dimanche 23 septembre 2018. Au programme ce soir, je vous propose un échange avec Luca Paris, un jeune créateur sonore montréalais actif sur la scène artistique depuis une dizaine d'années. Créateur de sonorités à partir de la matière qu'on appelle numérique, Luca construit des instruments numériques et travaille le son en temps réel. Ses recherches visent à proposer au public et auditeurs des contenus multisensoriels, immersifs et émotionnels. Il est très intéressé par les nouvelles formes de performance en art numérique. Alors, j'ai eu le plaisir d'échanger avec lui au cours de son passage à Québec en résidence de création au studio d'essai de Recto Verso il y a quelques semaines. Alors, on vient d'entendre une œuvre de jeunesse, on pourrait dire ça comme ça, intitulée « Beats and Stuff », numéro 5 de l'artiste Luca Paris, que je reçois ce soir en entrevue. Alors, Luca, pour parler un peu de lui, il est un créateur sonore plutôt actif sur la scène sonore nationale et internationale. Il a présenté son travail chez Eastern Block à Montréal et performé au festival Mutec, Acousma, à la Biennale des arts numériques de Montréal, Mutec Barcelone, Genève et j'en passe. Pour brosser un portrait de ses origines professionnelles, il a étudié la musique numérique et la fabrication d'instruments numériques à l'Université de Montréal. Il a aussi travaillé comme codeur créatif, concepteur de logiciels et concepteur électronique pour de nombreux artistes. On pense entre autres à Herman Colgan, Nicolas Bernier et Adam Bassanta, des artistes qu'on a reçus d'ailleurs à l'émission. On a pu le voir performer à Québec il y a quelques années à titre de membre du collectif Quader Cycle au programme du Mois Multi de 2016. Vous l'avez compris, Luca Paris est à la fois du côté musique et du côté performance numérique. Sa dernière production performative intitulée Antivolume est une immersion dans un espace composé de timbres et de couleurs. Comme le souligne Luca, et là j'ouvre les guillemets, le public est en présence d'une sculpture volatile et énergique faite de sons et de lumière issue d'une recherche algorithmique. Il est sculpté en temps réel à partir d'improvisations. Trois colonnes de lumière occupent l'espace. Le public est immergé dans ce travail et le perçoit comme une expérience physique. Je referme les guillemets, tout ça à propos de l'œuvre intitulée Antivolume. Alors, on écoute ensemble cette entrevue que j'ai réalisée avec Luca Paris. Thank you. Alors, Luca, Paris, bienvenue à l'émission. Bonjour, merci. Luca, évidemment que je profite de ta présence à Québec parce que tu es en résidence chez Recto Verso depuis maintenant presque 2 semaines. Tu fais une prestation ce soir. Bon, l'émission est en différé, mais on en profite tout de même pour faire un tour de piste. Et j'aimerais que tu me parles d'entrée de jeu de ce 10 jours de travail à Recto Verso. Comment ça s'est passé, ce projet qui s'intitule Emotional Synthesis, à moins qu'il ait changé. Alors, j'aimerais ça t'entendre sur le progrès de ce travail-là. Oui, c'est toujours le titre Emotional Synthesis. Et en fait, c'est un tout nouveau projet que je viens de commencer. Donc ici, c'était vraiment mettre en place le projet. Et il y a eu beaucoup, beaucoup de travail technique, beaucoup de code pour créer des logiciels. Des logiciels qui font du son, de la vidéo. Et c'est un projet, en fait, où je suis revenu à quelque chose de simple en termes de dispositif. Dans mes précédents projets, il y a de la scénographie, des lumières et beaucoup d'éléments sur scène. Et là, j'ai voulu un peu épurer tout ça pour me concentrer sur les algorithmes, sur le son, sur l'image et essayer de travailler cette matière-là un peu plus. Donc, quand je suis arrivé, il a fallu que je mette en place toute cette technique-là en termes de logiciel pour commencer à créer. Donc, ça a pris beaucoup de temps quand même. Toute la première semaine, c'était juste ça. J'ai fait très peu de son finalement, mais très peu d'images. Et dans la deuxième semaine, j'avais une bonne base et là, j'ai pu commencer à créer de la matière sonore dans ce cadre technique-là. Tu travailles, j'imagine, dans une logique de dialectique, son, image. Est-ce que l'un ou l'une, l'autre sont interreliés, interconnectés? C'est comme ça que le travail est construit? Oui, c'est vraiment comme ça que ça marche. Mais c'est ça qui m'intéresse le plus, ce lien entre les deux. Et je dirais que ce que je fais, c'est je crée des logiciels dans le son, dans l'image, pour vraiment les interconnecter. Généralement, ça part, les idées quand même partent du son, viennent du son en premier, et après sont retransmises à l'image. Mais très vite, après, ça devient un aller-retour entre les deux, où je crée quelque chose dans l'image et ça va influencer le son. Donc là, je vais retravailler le son. Et dans les deux cas, et ce qui fait un peu écho au nom du projet Emotional Synthesis, c'est de la synthèse. Donc le son et la vidéo sont de la synthèse, calculée en temps réel, puis contrôlée par moi pendant la performance. Et le fait que ça soit de la synthèse, j'ai accès à tous les paramètres qui génère le son, tous les paramètres qui génèrent l'image, et je peux facilement l'envoyer d'un médium à l'autre et créer des liens vraiment intéressants, vraiment riches dans ce lien son-vidéo. Luca, ce travail que tu fais de construction de logiciels qui fait partie finalement du travail plus technique lié à la création en tant que tel, tu considères qu'il est essentiel dans quel sens pour toi? Je trouve que c'est essentiel. Je dirais pas que c'est essentiel pour tout le monde, c'est vraiment mon approche qui m'est propre. Ça a un peu commencé il y a quelques années où j'utilisais des logiciels comme Ableton Live et il y avait des choses que j'avais envie de faire qui n'étaient pas possibles. Puis souvent, c'était en lien avec le fait que j'assignais beaucoup de contrôles, donc des choses que je changeais à la main pour faire évoluer les paramètres. Et des fois, je me retrouvais, j'avais pas assez de mains pour contrôler tout ça. J'avais pas assez de mains pour faire toutes les transitions. Donc j'ai commencé un peu à fabriquer mes propres interfaces, fabriquer mes propres contrôleurs, et essayer de penser à des solutions logicielles pour me démultiplier, pour contrôler plus de choses en performance. Donc c'est un peu comme ça qu'au fur et à mesure des années, j'ai commencé à fabriquer des outils. Ce que j'ai fait ici aussi, j'ai créé une base technique pour pouvoir faire des choses intéressantes en termes de contrôle à ce niveau-là. Dis-moi, Luca, ça m'amène à te demander comment t'en es arrivé à cette démarche, à ce projet sonore en termes de parcours professionnel. C'est issu de tes études et même, je dirais, antérieurement à des préoccupations singulières, j'imagine. Oui, ça fait un moment que ça a commencé, tout ça en fait. Ça a commencé quand j'avais 10 ans. J'ai deux parents musiciens aussi. Donc j'ai toujours été dans la musique. Quand j'avais 10 ans, je voulais faire de la musique, mais un peu à ma manière, ça passait par le scratch. J'aimais beaucoup le hip-hop et j'ai commencé à scratcher. Puis là, j'ai voulu faire ma propre musique pour scratcher par-dessus. Et donc là, avec l'ordinateur, j'ai commencé à utiliser des logiciels comme Fruity Loops. Donc c'est commencé comme ça. Puis là, plus tard, vers 15 ans, j'ai eu mon premier contrôleur MIDI. Et là, je trouvais ça vraiment fun d'assigner plein de paramètres, puis tout jouer. Puis ça a toujours été avec une approche live de jouer en temps réel. Parce que justement, vu que j'avais des parents musiciens, pour moi, il fallait que je joue la musique que je l'ai au bout des doigts. L'approche de travailler en montage et préparer les choses à l'avance, comme la plupart des musiques électroniques est faite, me parlait pas trop. Je trouvais que c'était de la triche de préparer les choses ou de les faire dans un séquenceur. Donc ça a toujours été cette idée-là de contrôler les choses en temps réel et d'improviser aussi une part d'improvisation qui vient avec. Donc ça, c'était mon adolescence. Après, je suis venu à Montréal j'ai fait mes études en musique numérique à l'Université de Montréal. Et je suis sorti de là, puis j'ai travaillé comme technicien pendant quelques années pour différents artistes. Et maintenant, je fais des performances audiovisuelles. La carrière a pris son envol. Oui, depuis un an. Thank you. Luca, j'aimerais ça aborder tes projets performatifs. Il y a comme deux aspects plus nets, plus clairs là, dans ta démarche. Une démarche performative, une démarche musicale aussi. La démarche, en ce qui a trait à la démarche performative, tu as présenté un projet qui s'intitule Anti-Volume. Ce printemps, notamment à Genève, Lyon, MUTEC Barcelone. J'aimerais que tu me parles de ce projet-là, puis qu'on en écoute par la suite. Ouais, c'était mon premier projet quelque part sérieux. Ça faisait des années que je faisais des expérimentations en termes de liens entre son, vidéo, lumière. Et c'est le premier projet où je suis allé au bout. Et en fait, c'est un projet son et lumière, audio et lumière, de performance improvisée aussi. Et il y a tout un dispositif autour de moi, une scénographie qui consiste en trois colonnes de lumière. Chaque colonne fait à peu près 2 mètres de haut, 16 cm de large. Et c'est des colonnes de LED en fait, c'est des lumières LED. Et chaque colonne a des LED d'un côté, donc d'un côté et de l'autre, vers l'intérieur et vers l'extérieur. Car les trois colonnes sont arrangées en triangle autour de moi. Donc en fait, je peux faire des mouvements de lumière en hauteur et en intérieur, en extérieur, et créer des mouvements dans l'espace. Et toute l'idée derrière ce projet, cette idée d'anti-volume, c'est d'avoir un volume qui est la salle de spectacle, la salle de concert, mais qui est immatériel, il est rempli de son, il est rempli de fumée, il est rempli de lumière. Et c'est de créer des mouvements de matière dans cet espace-là. Et contrôler ces mouvements-là et synchroniser les mouvements de son, les mouvements de lumière dans cet espace. D'où est venu le titre Anti-Volume? Parce qu'au fond, je t'écoute, c'est tout de même un projet qui est très, qui est comme centré sur une prise de conscience de la volumétrie. Est-ce que ou encore, il y a quelque chose qui a rapport à ce qu'on appelle le volume sonore en tant que tel? Ça vient de des idées de matière que j'avais en termes de son, une espèce de matière comme si on imaginait s'il y avait un trou noir qui aspire le volume en fait. Puis des fois dans la musique électronique, dans certains sons, une type de matérialité où comme tout l'espace se fait compresser. Puis c'est ça, cette espèce de compression de l'espace qui m'intéressait, dilatation de l'espace et comment contrôler ça. Donc ça venait d'idées de son à la base. Si tu veux, Lucas, on va entendre un extrait de ce travail intitulé Anti-Volume. Thank you. 89.1. Afin de vous aider à faire votre choix à l'occasion des élections provinciales 2018, monlimolieu.com et CKRL vous invitent à assister à un échange débat entre les candidats et candidates de la circonscription Jean Lesage, le lundi 17 septembre 19h au centre communautaire Jean-Guy Drolet, 16 rue Royale-Roussillon. Sur place, vous aurez l'occasion d'entendre les candidats et candidates de la Coalition Avenir Québec, du NPD Québec, du Parti conservateur du Québec, du Parti libéral du Québec, du Parti québécois et de Québec solidaire s'exprimer sur les questions des transports et de l'aménagement urbain, de l'environnement, la santé et la qualité de vie, ainsi que la société et l'économie. Bienvenue à tous et à toutes. Vous ne pouvez être sur place le 17 septembre? Profitez d'une rediffusion intégrale du débat le jeudi 20 septembre 10h à CKRL 89.1. CKRL, communication, culture. L'accroche-oreille vous est présentée par Avatar, le centre d'artistes en art audio et électronique. Alors, c'est la seconde partie de l'accroche-oreille sur les ondes de CKRL 89.1 qui se poursuit sur cet échange avec Luca Paris, un artiste montréalais, un créateur de sonorités qui travaille essentiellement à partir de la matière numérique, les sonorités de synthèse. Comme je l'ai mentionné en première partie, Luca est à la fois du côté musique et du côté performance. Il a produit en 2017 un album qui se retrouve davantage sur le versant musical de sa production, un album intitulé « Abrasion of Concrete Archaeology of Flesh ». À propos de cet album aux sonorités techno, Luca raconte que le projet découle de processus musicaux modulaires qui ressemblent à de l'artisanat s'agissant d'une longue recherche dans les univers de la synthèse numérique et de la conception d'instruments. À travers une impulsion créative quotidienne, le projet s'est cristallisé en pistes qui ont chacune leur personnalité. C'est toujours Luca qui parle. Alors, l'expression musicale brute est enregistrée, restructurée dans le temps, augmentée, aboutissant vers les pistes finales. L'impulsion est motivée par une recherche libérée des routines et des environnements de création qui sont sans risque. Trêve de commentaires, on écoute la suite de cette entrevue que j'ai réalisée avec Luca Paris. Luca, je poursuis pour le volet musical. Tu as produit en 2017, en tout cas lancé en 2017, un album qu'on peut qualifier qui est peut-être plus musical, qui s'intitule en anglais « Abrasion of Concrete Archaeology of Flesh ». On le retrouve d'ailleurs sur Bandcamp, cet album. Et j'aimerais ça connaître les tenants d'un album comme celui-là. Comment démarre un projet comme celui-là sur le plan artistique? Encore là, ça a commencé dans la performance, en fait, ce projet. L'année avant que je fasse cet album, je faisais beaucoup de performances, soit dans les salles de concert à Montréal, soit à la radio aussi. Et c'était des performances improvisées, puis ça, j'utilisais de la synthèse numérique, modulaire. Et j'avais créé différents instruments que j'utilisais en live et avec lesquels j'improvisais, que je contrôlais. Et cet album, je me suis dit, j'ai tout ce travail que j'ai fait ces derniers temps. J'ai envie un peu de l'immortaliser et puis de le raffiner. Et donc je suis parti de cette matière-là. Et ça s'est fait assez vite, en fait, sur 3 semaines. Et tous les matins, je me mettais au travail et c'était tout basé sur enregistrer des performances. Donc je commençais à jouer, improviser, puis j'enregistrais pendant 15 minutes. Et là, très rapidement, je passais à travers ça, puis j'enlevais ce que j'aimais pas, je prenais ce que j'aimais, puis je voyais comment ça pouvait devenir une évolution, une section. Et après, je réenregistrais par-dessus ça, donc je faisais une autre performance pour ajouter des couches. Et après, encore une fois, je rééditais, je mixais. Et donc, en fait, certains morceaux se sont faits très vite en 2 jours, comme ça, parce que c'était vraiment un processus live. J'ai pas passé beaucoup de temps dans le séquenceur à peaufiner les choses et tout. Ça venait vraiment de ces patchs de synthèse que j'avais fait à la base. Thank you. Luca, tu as une formation tout de même en musique et tu soulignes le fait que tu as une formation en musique numérique. Et pour nos éditeurs, j'aimerais bien que tu nous parles un peu de cette différence qu'on peut faire maintenant entre ce qu'on pourrait appeler une formation en musique numérique et une formation en musique, musique tout court ou que d'autres pourraient appeler musique plus classique là, au sens de la formation. Oui, donc il y a quand même une différence. Il y a des différences et des similarités. C'est vrai qu'on a quand même beaucoup étudié l'histoire de la musique, le solfège, l'harmonie. Mais après, c'est quand même des outils différents. Et notamment à l'Université de Montréal, je me suis beaucoup concentré sur la lutherie audio-numérique, qui est vraiment quelque chose de complètement différent. Je pense que quand on étudie en musique, on n'apprend pas la lutherie forcément. Mais dans ce cas-ci, puis c'était ce qui m'intéressait aussi et qui m'a amené à l'Université de Montréal, c'est la lutherie et créer ses propres outils et travailler vraiment dans la matière de manière technique, de manière très précise, qui peut-être rejoint les arts visuels, l'art contemporain, l'art médiatique. Et c'est ici, donc il y a quand même une différence à ce niveau-là des techniques. Dis-moi, tu énumères toutes ces disciplines dans le travail de création que tu fais. Est-ce que on pourrait dire que tes sources d'inspiration, elles sont aussi multiples, pas uniquement liées au domaine de la musique? Oui, beaucoup. Et ces derniers temps, je me suis vraiment intéressé à l'art contemporain, au design, pour en apprendre un maximum, pour enrichir aussi ce que je fais au niveau visuel. J'ai peut-être trouvé ces derniers temps que il y a beaucoup de compositeurs qui commencent à faire du visuel pour leur musique, faire des choses audio réactives. Et malheureusement, il y a beaucoup de cas où je suis très critique parce que il manque une éducation visuelle de théorie des couleurs ou il manquait quelque chose pour moi. Et c'est pour ça que je me suis intéressé beaucoup donc au design graphique, au design. À l'architecture même ou à l'art contemporain pour un peu éduquer mon œil et créer quelque chose qui soit beau aussi, pas juste pour les gens en musique, mais qui soit beau pour tout le monde. Thank you. Luca, dis-moi, tu es en résidence à Recto Verso, comme je l'ai raconté tout à l'heure, tu fais une prestation ce soir devant le public, et puis bon, tu quittes Québec. Quels sont tes projets, ton programme de travail là, pour les prochaines semaines, spectacles, travail de création? Il y a beaucoup de projets ces prochains temps. Déjà, dans 10 jours, je serai en Corée. En fait, première fois en Asie, donc j'allais présenter ma performance là-bas. Donc ça va être une aventure. Et à la fin du mois, j'ai une installation à Montréal, plus pour les enfants, qui est un peu un parallèle de ce projet-là. Ça a le même nom d'ailleurs. Et donc c'est comme, on pourrait dire que c'est ce projet-là, mais version installation et version pour enfants. À la suite de ça, en octobre, je travaille sur un spectacle de danse. Je fais la musique pour un spectacle de danse qui sera présenté à Tangente aux alentours du 18-19 octobre avec le chorégraphe Thierry Huard. Et au-delà de ça, en fait, c'est une aventure nomade de 6 mois en Europe et en Asie peut-être. Et je pars avec Cinzia Campolese qui fait des installations visuelles. Puis on va travailler ensemble sur plusieurs installations. Donc une aventure avant le retour au Québec. Beaucoup de projets stimulants en vue pour toi. Luca, merci infiniment de cette présence à Québec et de m'avoir accordé cette rencontre. Et merci beaucoup à toi pour la rencontre et merci surtout pour la résidence qui est vraiment très très agréable. Merci. Alors voilà ce qui achève la croche-oreille sur cette pièce intitulée « Dernière guerre » de Luca Paris. Vous allez retrouver ça sur la plateforme SoundCloud. Quant à nous, on est de retour la semaine prochaine, 21h, sur les ondes de CKRL 89,1. Je vous invite, en attendant, à jeter un coup d'œil sur le site lacrocheoreille.wordpress.com. Et comme mot de la fin, je vous dis, soyez attentifs aux sonorités autour de vous. Téléchargez cette émission sur ckrl.qc.ca ou sur iTunes.